Élection providentielle. Élection providentielle. Élection providentielle, une émission animée par Aymeric Pourbet avec l'hebdomadaire Réforme et le site orthodoxie.com. À l'automne 2006, la nature et la préservation de l'environnement semblaient promis à une belle carrière au sein de cette campagne électorale qui s'amorçait, grâce notamment à un Nicolas Hulot. Mais depuis, il semble que l'engouement pour ces thèmes écologiques soit quelque peu retombé chez nos candidats, enfin pas tous, puisque vous êtes de ceux, Corinne Lepage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de ceux, disais-je, dont l'environnement constitue depuis longtemps un cheval de bataille, mais pas seulement, on le verra au cours de cette émission. Vous êtes avocate des communes souillées dans l'affaire de la Mococadis, et puis ce sera les OGM, la pollution, l'Erika. Vous avez été tous les combats ou presque, avant de devenir ministre de l'Environnement sous le gouvernement Juppé. Puis vous avez fondé un club de réflexion devenu mouvement politique, Cap 21, avec un objectif, entrer en résistance sans pour autant être une révolutionnaire. C'est votre deuxième candidature à une élection présidentielle. En 2002, vous aviez obtenu moins de 2% des voix. Et puis pour entendre un point de vue chrétien aussi sur l'environnement au cours de cette émission, nous serons tout à l'heure en ligne avec Paul Janson. Il est directeur de l'association Arocha, la seule association chrétienne de protection de l'environnement. Et puis avec moi pour vous interroger Frédéric Cazatsu de l'hebdomadaire Réforme. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-François Colosimo, éditeur théologien qui représente ici le site orthodoxie.com. Bonsoir. Bonsoir. Alors, de votre passage au gouvernement, Corinne Lepage, vous avez gardé, paraît-il, un souvenir amer du fonctionnement des partis politiques. Aujourd'hui, quand vous voyez un François Bayrou qui veut transcender les partis, faire une percée dans l'opinion, ça vous réjouit ? Bah écoutez, l'idée est excellente. Moi, ça fait très longtemps que je ne me sens pas du tout à l'aise dans le clivage droite-gauche. Et dans le fonctionnement des partis politiques qui finalement participent d'un certain conservatisme français, de la difficulté d'évoluer. Par conséquent, puis j'ajouterai à cela que les défis auxquels nous sommes confrontés de toute nature me paraissent ne pas pouvoir trouver leur solution, ni d'abord dans le passé, ni dans un camp. Je pense que cette idée de camp, fermé aux autres, est une idée absurde. Et de surcroît, quand on regarde les questions des défis écologiques qui imposent des changements dans nos modes de production, nos modes de consommation, on se rend compte qu'en définitive, le libéralisme comme le socialisme repose sur la même idée que la croissance est infinie. C'est-à-dire que nous aurons toujours plus de ressources nous permettant de produire toujours plus. Et bien, c'est pas vrai. Jean-François Colosimo. Oui, si vous permettez, je vous en prie. J'y vais directement. Toujours plus de ressources, mais pas toujours plus de signatures. Est-ce qu'en fait, on n'assiste pas aujourd'hui à une récession de la démocratie, puisque ce sont les grands partis qui décident qui peut, doit se présenter, et que les petits candidats ne valent que lorsqu'ils ont aujourd'hui une valeur auprès des grands partis, soit une valeur négative face à leurs ennemis, soit une valeur positive pour étayer en quelque sorte leur vote? Je serais encore plus sévère que vous. Je dirais que, pour moi, cette pré-campagne électorale est complètement en dehors des clous, sur le plan démocratique, complètement en dehors des clous. Sur la question des signatures, vous avez bien sûr complètement raison. La loi, telle qu'elle avait été votée du temps de De Gaulle, en 62, prévoyait que pour l'élection présidentielle, il fallait 500 citoyens élus, c'est le terme employé, et il a son importance, parrainant un candidat. En réalité, à quoi assiste-t-on ? On assiste depuis le début de cette campagne à d'abord des interdits lancés par les grands partis politiques à leurs propres élus de donner des parrainages, et plus encore, jusqu'à ces tours derniers jours où Nicolas Sarkozy a changé d'avis. Il a demandé à ce que Monsieur Besançon et Monsieur Le Pen soient soutenus. Effectivement, on est arrivé à un système dans lequel il y avait des pressions considérables sur les maires par ces grands partis, même les maires qui n'étaient pas de leur tendance politique, tout simplement du fait de l'organisation administrative de la France et du fait qu'un maire est dans une communauté de communes et que s'il veut sa subvention ou sa route, il a intérêt à faire ce qu'on lui demande de faire. À ceci s'ajoute que nous sommes à un an des élections municipales, que les petites communes sont des communes d'intérêt municipal, enfin d'intérêt local. Et moi, je comprends très bien qu'un maire se dise « moi, je ne suis pas kamikaze, je n'ai pas envie d'aller m'enquiquiner la vie pour donner un parrainage à Monsieur Truc ou Madame Machin, alors que ça va avoir plein d'inconvénients pour moi ». Donc, on est dans un système qui est effectivement très peu démocratique, mais il n'y a pas que ça. Le traitement médiatique de cette campagne est « on ne peut plus antidémocratique ». J'ai été candidate en 2002. Je n'ai pas fait un score génial, c'est vrai, mais c'est quand même 550 000 Français qui ont voté pour moi, c'est quand même pas complètement nul. Dans cette campagne, je n'ai quasiment pas de temps d'antenne. J'ai été interdite d'émission à TF1. Je n'ai eu à TF1 en tout et pour tout qu'un journal de 13 heures, 3 minutes. C'est tout depuis le mois d'avril 2006. Oui, c'est considérable. C'est énorme. Hein, pour expliquer un programme, c'est génial. France TF1 m'a viré de l'émission du 20h30 là, qui fait beaucoup de bruit. France 2 a fait la même chose. France 3, la même chose. De telle sorte qu'il y a une certaine empathie des Français vis-à-vis de moi, c'est-à-dire que quand on regarde les scores du Figaro Magazine, je suis la 7e ou la 8e personne dans le centre et la droite, on m'a classé là, on a pu me mettre ailleurs, mais enfin bon, c'est un fait. Bon, ce qui est quand même tout à fait honorable, donc il y a une vraie empathie, mais d'un autre côté, les gens ne savent pas ce que j'ai raconté, puisque je ne peux jamais parler de mon programme. Donc on est vraiment dans un système de non-démocratie, et je terminerai en disant qu'il n'y a même pas de juge pour trancher cela. Jean-François Colossimo. Une question peut-être encore un peu plus directe. Un candidat ou une candidate comme vous, guère relayé par un grand parti, qui est en quête de ses 500 signatures, on pourrait dire une candidate à la candidature, si elle n'obtient pas ses 500 signatures, elle a perdu combien d'argent ? Écoutez, j'ai quand même un mouvement... C'est-à-dire aussi quel est l'argent qu'il faut, même pour être candidat à la candidature aujourd'hui, quoi. Est-ce que ça, est-ce on aura que... dépensé autour de 80 000 euros à peu près. Donc vous voyez, c'est relativement modeste par rapport, c'est déjà de l'argent, mais c'est relativement modeste par rapport à ce que tous les autres ont dépensé. Hein. Et les signatures, vous en êtes où ? En promesse, j'ai largement dépassé les 500. En réalisation, je ne sais pas ce que je suis ce soir, puisque le Conseil constitutionnel nous envoie une photocopie à 8h du soir pour dire où on en est. Enfin, j'avais passé 300 hier. Bon. On passe à l'environnement, c'est le thème d'aujourd'hui. Frédéric Cazadesus, quelles sont les propositions, on va dire, des principaux candidats ou des propositions intéressantes sur le sujet ? Oui, alors tout d'abord, il faut rappeler que Nicolas Hulot n'est pas candidat à l'élection présidentielle et ce statut particulier de l'homme médiatique qui a cherché à faire valoir un certain nombre de principes, de valeurs, ce statut particulier se maintient. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, Nicolas Hulot a alerté l'opinion publique en disant « Attention, les candidats ne sont pas assez attentifs et ne tiennent pas les engagements qu'ils ont pris devant moi. » Qu'en est-il exactement ? Loin de moi, évidemment, l'idée d'être exhaustif. À gros traits, rappelons tout d'abord que José Bové se présente à la candidature, en tout cas comme un personnage qui défendra avant tout le développement durable et en tant que représentant du monde agricole, souhaite notamment que l'on diminue les subventions à l'exportation des produits agricoles plutôt que et favorise au contraire le développement durable. Dominique Voynet ne dit pas autre chose. Tous les deux, bien entendu, sont hostiles, Dominique Voynet et José Bové, sont hostiles aux OGM qu'ils se promettent d'interdire sur le territoire. Une petite différence entre eux mérite d'être soulignée. Dominique Voynet paraît vouloir fermement renoncer à l'énergie nucléaire d'ici à 2030, ce qui semble n'être pas le cas de José Bové. Cette différence peut-être... On y reviendra sur le souligner. Nucléaire, bien sûr. Pour ce qui concerne ceux que l'on appelle les grands candidats, ils sont désormais 3 ou 2,5, comment savoir exactement selon les sondages d'opinion. Alors évidemment, Ségolène Royal présente un programme assez fourni, développé. Pourquoi évidemment, vous le devinez aisément, elle souhaite rallier à sa candidature un certain nombre d'électeurs écologistes. Évidemment, Madame Lepage, vous nous direz cela plus précisément. Alors, les propositions stupéfiantes, n'est-ce pas ? Elle a nationalisé EDF et GDF en un grand ensemble, je dis stupéfiante, c'est avec un peu d'humour, bien entendu. Plus sérieusement, elle propose bien sûr de taxer les transports afin que, justement, on puisse favoriser le développement durable. Du côté de Nicolas Sarkozy, on n'est plus franchement dans une dynamique productiviste. Si vous m'autorisez ce barbarisme, il souhaite en effet taxer davantage la production que le travail. On est là avec des propositions assez générales, c'est un commentaire neutre bien entendu, mais on sent que l'intention est là, mais les propositions concrètes en tout cas ne sont pas telles. tellement affiché. Enfin, je gardais évidemment François Bayrou pour la fin, puisque vous vous sentez, je crois, assez proche, en tout cas de sa démarche politique, à défaut d'être proche de ses propositions concrètes. Eh bien, François Bayrou propose une réforme de la PAC. C'est l'une de ses propositions phares afin de développer l'agriculture biologique. J'ajouterai pour terminer qu'il propose de quitter le nucléaire, d'abandonner progressivement l'énergie nucléaire. Et last but not the least, il encourage une négociation entre les chasseurs et des experts de la nature. Il est vrai que lorsqu'on vient du Sud-Ouest, il faut garder le moral et rester tempéré. Merci Frédéric. Beaucoup de choses évidemment. On peut peut-être commencer, Corinne Lepage, le phénomène Hulot, ça vous a agacé ? Alors non, je pense que ça a été quelque chose d'important au niveau de la prise de conscience. Mais maintenant, on en mesure tous les ravages. C'est-à-dire ? C'est-à-dire tout simplement que ayant fait signer un pacte, dont je dirais qu'il est extra light. Parce que dans ce pacte, si on y revient un instant, il y a 5 propositions. C'est le service minimum. Oui, et encore, c'est un service minimum sélectif. C'est-à-dire que vous avez 5 propositions. De démocratie participative, tout le monde est d'accord. Et ce qu'il propose mange vraiment pas de pain. Un vice-premier ministre de l'environnement, très bien, à condition qu'il ait des pouvoirs. Ça mange pas beaucoup de pain. L'éducation à l'environnement, c'est très bien. Alors ensuite, on passe aux 2 mesures. La taxe sur le carbone, ok, mais encore faut-il voir l'aspect social des choses, et revoir la PAC pour favoriser l'agriculture biologique. Avant de la revoir, si on appliquait les nouvelles règles de Bruxelles, ce serait déjà pas mal. Voilà. Mais par exemple, sur la pollution chimique, qui pour moi est une question absolument majeure, c'est-à-dire tout ce qui concerne le fait que non seulement notre environnement, mais nos corps aujourd'hui sont bourrés de cochonneries, de produits chimiques de toute nature, il n'y a pas un mot. Sur l'eau, il n'y a pas un mot. Sur les pesticides et leur réduction, il n'y a pas un mot. Sur les autoroutes, sur la question de la voiture, il n'y a absolument rien du tout. Donc, si vous voulez, c'était extra light. Donc, évidemment, tout le monde a signé. Ça n'engageait pas à grand-chose. Et Nicolas Sarkozy s'est même offert le luxe, d'ailleurs, de le signer avec des réserves. Donc, on se demande ce qui reste dedans. Bien. Donc, tout le monde a dit, j'ai signé le pacte Nicolas Hulot, je suis écolo. Donc, les malheureux écologistes comme moi, qui se battent depuis 25 ans pour essayer de faire changer les choses. On dit, mais attendez, vous avez signé les autres aussi, à quoi vous servez ? Bon. Alors, il y a cet aspect-là des choses. Et évidemment, puisqu'il n'y a plus de sujet, puisque pour l'immensité des journalistes, le pacte Nicolas Hulot est devenu la Bible, pardonnez-moi de dire cela dans Radio Notre-Dame, mais enfin... C'est une réalité. C'est une réalité, alors que très franchement, des livres sur l'écologie, il y en a d'autres et qui valent très largement celui-là. Et donc, c'est devenu l'alpha et l'oméga, et par conséquent, au bout de quelques semaines... Il se rend compte qu'on ne parle plus d'écologie. Évidemment, on ne parle plus d'écologie, puisque le sujet est tranché, terminé. Et donc, il remonte au créneau pour demander, non pas pour dire, écoutez un peu ce que les candidats écologistes ont à dire, mais pour dire, les grands partis, venez. C'est-à-dire qu'on est reparti dans le même système. Il en remet une louche. Et alors que l'Alliance, par exemple, qui regroupe les associations de défense de l'environnement, a été beaucoup plus correcte. Le travail qu'a fait l'Alliance me paraît sain. C'est-à-dire qu'ils ont pris les programmes, ils les ont notés. Ils ont dit, voilà, il y en a 2 qui sont bons, Voynet Lepage, puis les autres, eh ben, ça va entre 13 pour Mme Royal, 9 pour M. Bayrou, 8 pour M. Sarkozy et 5 pour les autres. Voilà. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est plus parlant. Mais je trouve que cette démarche montre aujourd'hui toutes ses limites. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Jean-François Colosimo. Est-ce que l'échec de Nicolas Hulot, ou son abandon, etc., ne montre pas aussi une certaine forme d'incapacité de l'écologie à se constituer en tant que parti, en tant que mouvement ? Regardez, si vous me permettez, j'ai bien connu un important responsable de Médecins du Monde, qui un jour, ou de Médecins sans frontières plutôt, qui a un jour déclaré « Je n'ai jamais fait d'humanitaire, j'ai toujours fait de la politique. » Je voulais dire par là, j'ai fait de l'anticommunisme, et l'humanitaire, c'était une manière de faire de l'anticommunisme. Est-ce qu'on peut faire de l'écologie sans faire de politique. Madame Voynet, elle a choisi, elle fait une politique de gauche qui s'appelle l'écologie. Est-ce qu'on peut sortir de cette quadrature du cercle, quoi, en quelque sorte ? Écoutez, moi je crois à l'écologie politique. Et je regrette beaucoup que l'idée de plateforme commune que j'avais lancée, qui était pour moi un point de départ entre Dominique Voynet, Nicolas Hulot et moi-même, n'ait pas pu voir le jour. Une partie des Verts la souhaitait. Yann Wöhrling a beaucoup travaillé avec nous pour essayer d'avancer. Nicolas Hulot n'a jamais voulu en entendre parler. Donc c'est eu un blocage total de son côté. Et la partie gauche des Verts n'en a pas voulu davantage. Or, à mes yeux, l'écologie politique, elle se construit au centre de l'échiquier politique. Je ne vois pas une écologie politique qui est une écologie politique d'un camp. Tout simplement parce que, encore une fois, les solutions ne peuvent pas être celles d'un camp et il faut réunir beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il faut réunir des gens de sensibilités différentes. C'est comme ça ce que se construira l'écologie politique. Si vous regardez le socialisme en 1840 en France, le socialisme français des années 1840 avant le marxisme, vous avez une série de petites chapelles qui ne devaient pas peser grand-chose et qui ne pesaient du reste pas grand-chose. Et pourtant, le socialisme est devenu le grand mouvement du 19e siècle tout simplement parce qu'il répondait à la question essentielle du 19e siècle. Moi, je suis absolument convaincue que la question écologique est la question essentielle du 21e siècle parce que c'est où on gagne ou on crève. C'est pas très compliqué. Donc voilà, il faut faire une refondation de l'écologie politique. Moi, j'y suis on ne peut plus favorable, et il faut essayer de la faire, je dirais, au centre-droit, centre-gauche. Corinne Lepage, on écoute un peu de musique, on se retrouve tout de suite après. Radio Notre-Dame. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Jean Ferrat, que la montagne est belle. On parle d'environnement, d'écologie avec Corinne Lepage, candidate à l'élection présidentielle. Et puis nous sommes à l'instant en ligne avec Paul Janson. Bonsoir, merci d'être avec nous également. Vous êtes directeur de l'association Arocha, la seule association chrétienne de protection de l'environnement dont un centre d'études est installé à Arles. Alors Paul Janson, peut-être deux, trois réflexions. On va aborder un petit peu les dossiers justement sur cette question de l'environnement très globale. Première question, alors que s'est ouvert le Salon de l'Auto à Genève, la question des biocarburants. Le Salon de l'Auto à Genève et aussi le Salon de l'Agriculture, il me semble que c'est à Paris. Tout à fait, d'actualité. Ben, bonsoir à tous. Bonjour Monsieur Janson. Je voulais souligner d'abord que j'apprécie à quel point j'apprécie votre sincérité que j'avais déjà appréciée antérieurement. Et je sais que vous parlez vrai et que vous défendez vos causes, non pas dans un langage politique, mais avec sincérité. Merci, c'est vrai. Voilà, c'est dit. Et en tant que directeur aujourd'hui d'une association chrétienne de protection de l'environnement, une de nos armes, c'est d'abord la vérité. Et c'est pour ça qu'on fait aussi des inventaires botaniques et faunistiques. Et alors, pour parler de la vérité, eh bien, cette histoire de biocarburant me préoccupe de plus en plus parce que j'ai bien peur que là, il n'y ait pas beaucoup de vérité dans ce débat. Quand on sait que la planète, la FAO nous dit qu'elle n'a pas été suffisante pour nourrir et pour être totalement nourrie avec les baisses des stocks de céréales en 2005, quand on sait à quel point cette pression faite par la production de biocarburants se traduit à un moment donné par de la déforestation de la forêt amazonienne et qu'on nous explique que nous pouvons continuer à rouler sans arrière-pensée, sans changer nos comportements parce qu'on a trouvé la solution par les biocarburants. Je voudrais savoir un petit peu comment vous réagissez à ça et puis qu'est-ce que vous nous proposez comme solution. Alors voilà, Corinne Lepage, rouler ou manger ou nourrir l'homme, est-ce qu'il faut choisir et... Non mais je partage tout à fait le souci de Paul Janson. D'abord, je dirais qu'il est quand même assez extraordinaire qu'en même temps, on nous dise qu'il faut des OGM. Alors, je n'ai pas répondu à la question, je suis évidemment contre. Hein. Je n'ai pas eu le temps de m'exprimer là-dessus tout à l'heure. On le devinait. Voilà, je préside même une association qui s'appelle le CRIGEN, Commission de recherche d'information indépendante sur le génie génétique, où nous réunissons des experts pour avoir la vérité précisément sur les OGM. Juste parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Alors, on nous dit qu'il faut des OGM pour nourrir la planète parce que sinon on va crever de faim. Et dans le même temps, on nous dit, non, on ne crève pas de faim puisqu'on a tellement de possibilités alimentaires qu'on va même faire des biocarburants avec. Donc là-dessus, Paul Janson a complètement raison. Deuxième souci d'inquiétude qui rejoint le premier, qui s'ajoute, c'est que ce n'est pas n'importe quel biocarburant. Sur les biocarburants, dit de la deuxième génération, c'est-à-dire ceux qui vont être fabriqués à partir des pailles. On a là un double emploi, c'est-à-dire qu'on utilise la graine pour l'alimentation, la paille pour le biocarburant ou, plus intéressant encore à mes yeux, pour faire de la chimie végétale, la chimie verte. Mais ce n'est pas ça qu'on nous vend aujourd'hui. Ce qu'on nous vend, c'est de l'E85. Alors l'E85, c'est quoi? C'est de la betterave, ou c'est du blé, que l'on a transformé pour sortir une espèce d'alcool, qui sert donc de carburant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pratiquement 3/4 de litre de pétrole, ou équivalent. C'est un mélange, en fait, hein, c'est ça. Oui, non, mais en dehors de ça, pour fabriquer ça, il faut quasiment l'équivalent de 3/4 de litre de pétrole, si vous ajoutez tout bout à bout, c'est-à-dire que vous faites ce qu'on appelle un éco-bilan. Que deuxièmement, ça coûte extrêmement cher à fabriquer, équivalent $250 le baril. Que par conséquent, pour pouvoir le vendre à la pompe à 80 centimes d'euros, comme le ministre nous l'a promis, il y a une défiscalisation massive. Cette défiscalisation, le contribuable la paye. Si nous allons jusqu'à 5,75% de biocarburant en 2010, le coût pour le contribuable, c'est 5 milliards d'euros. Je vous assure qu'avec 5 milliards d'euros, on peut faire des choses plus intelligentes que de l'E85, qui, de surcroît, va conduire à utiliser massivement les pesticides, les herbicides, voire les OGM et l'eau, pour reproduire tout ça. Alors, en réalité, quel est le fond de l'affaire? C'est que, pour l'E85, le sujet n'est pas du tout le changement climatique. Le vrai sujet, c'est de permettre de trouver un mode de subvention de l'agriculture pour sortir de la PAC. C'est tout. Et ça intéresse qui? Les betteraviers et les grands céréaliers. Mais tout le reste de l'agriculture n'est pas concerné par cette affaire-là. Simplement, le risque qu'il y a, c'est qu'il y ait des terres qui soient effectivement affectées à tout cela et qui auraient été beaucoup mieux utilisées à permettre d'aller vers une agriculture plus extensive, beaucoup moins riche de pesticides, d'herbicides et d'autres raticides et fongicides. Voilà, donc oui, vous avez raison, Monsieur Janson, il va falloir qu'on aille vers des modes de mobilité durable. C'est-à-dire que, d'abord, on apprenne le partage de la voiture, qu'on développe les transports collectifs. Pour le faire, on a besoin d'argent, qu'on inverse complètement nos politiques en ce qui concerne la route et le rail pour le transport de marchandises. Je dirais simplement qu'on est passé en 1960 de 40% de transport de marchandises par rail à aujourd'hui 9%. C'est-à-dire qu'on a fait exactement le contraire de ce qu'il aurait fallu. Alors pour y parvenir, il faut investir dans des infrastructures. Donc une des propositions que je fais, c'est d'arrêter de construire des autoroutes. On a ce qu'il faut. Et en plus, chaque fois qu'on fait des autoroutes, c'est plus de trafic, plus de pollution, plus d'émissions de gaz à effet de serre. Et de prendre cet argent et de le mettre sur des infrastructures ferroviaires ou du cabotage, de manière précisément à réduire la pression. Voilà, je pense qu'il faut aller tout à fait dans cette direction-là. Et M. Janson, vous avez pu noter que l'année dernière, pour la première fois, nous n'avons pas augmenté le trafic en France, nous l'avons baissé de 1%. C'est modeste, mais c'est intéressant, parce que c'est un retournement de tendance. Avant la deuxième question de Paul Janson, sur les moyens à utiliser pour notamment les politiques favorisant les transports en commun, un mot sur votre analyse de la situation à Paris. Est-ce qu'on s'y est pris de la bonne manière ? Moi, je trouve que le tramway, c'est bien. Sauf que je m'étais posé la question de savoir si c'était là où il fallait le mettre ou si on ne pouvait pas utiliser l'ancienne voie ferrée. Bon, mais il faut être honnête, la réalisation est pas mal. Les couloirs de bus, je ne suis pas fanatique. Non, pas, il faut des bus en site propre. Mais là où je dis je ne suis pas fanatique, c'est que je les trouve trop larges, compte tenu de ce qu'il n'y a aucune offre de transport supplémentaire. Que ça entraîne une réduction, effectivement, de la place pour la voiture, sans qu'on donne aux banlieusards la possibilité d'avoir des parkings de dissuasion gratuits à l'entrée de Paris. Hein. Par conséquent, il n'y a pas que les. Vous savez, il y a 50% de Parisiens qui n'ont pas de voiture. Donc, ce n'est pas seulement les voitures des Parisiens dans Paris. Et puis, par certains endroits, et c'est très très mal placé. C'est-à-dire que de temps en temps, c'est au milieu de la voie, de temps en temps, c'est à droite, de temps en temps, c'est à gauche. On ne sait plus où il faut aller. Et c'est franchement très difficile. Voire et dangereux. Et souvent fait sans concertation avec les gens. Je pense notamment au boulevard Saint-Marcel, mais pas seulement, où les commerçants peuvent même plus se faire livrer, vu le tracé qui a été choisi. Or, je pense que sur ces modifications de la vie quotidienne, de discuter avec les gens, même si ça prend du temps et d'arriver à un consensus, c'est quand même quelque chose de très important. Deuxième question donc de Paul Janson, directeur de l'association Arocha. Question qui concerne cette fois la biodiversité. Oui, Arocha est très impliqué dans le suivi de la biodiversité, notamment dans la région dans laquelle on intervient actuellement, dans la vallée des Baux et aux alentours. Oui, il y a du vent autour de vous. C'est quand même le symbole de la diversité de la création et de ce que nous pouvons contempler quand nous sommes dans la nature. C'est en même temps le symbole de la sécurité de vie, le symbole de la diversité. Et, corollaire bien sûr du biocarburant, corollaire des pratiques agricoles, corollaire de cette folie dans laquelle on est qui conduit à une déforestation massive. Comment peut-on mettre en avant à quel point la biodiversité est vraiment quelque chose d'absolument vital pour l'humanité d'aujourd'hui et pour l'humanité de demain. Corinne Lepage. Malheureusement, Monsieur Janson, vous savez aussi bien que moi que convaincre les gens uniquement à partir de considérations éthiques, en leur disant que la destruction de la biodiversité, c'est-à-dire la sixième extinction des espèces qui est commencée, pas de rien dont il s'agit, et sur le plan moral, quelque chose d'absolument inacceptable, n'est pas suffisant. Par conséquent, je crois que pour convaincre le grand public de l'importance de la biodiversité, et c'est vrai qu'en France, nous sommes plutôt moins sensibles à ce sujet que dans d'autres pays européens, eh bien, il faut passer par l'anthropocentrisme. C'est-à-dire ? C'est-à-dire de convaincre les gens que ce n'est pas leur intérêt qu'il n'y ait plus de biodiversité. Alors comment on le fait ? Eh bien d'abord, en reprenant un certain nombre des éléments d'un rapport que M. Janson connaît certainement très bien, qui est le rapport du Millennium Assessment, qui est sorti maintenant il y a 2 ans, qui est un rapport de l'ONU, qui montre très clairement que si nous continuons, c'est le progrès économique lui-même qui est rendu impossible du fait de la destruction de la biodiversité. Deuxièmement, en expliquant aux gens que sur le plan de la santé publique... Alors peut-être faut-il s'arrêter sur ce point parce que dans l'esprit des gens, de nos auditeurs, c'est peut-être pas suffisamment clair. Supprimer la biodiversité, c'est un problème pour le développement. Oui, tout simplement parce que d'abord, nous faisons partie d'un ensemble et qu'il y a des conséquences en chaîne qui se font sentir. Et que par conséquent... La destruction de la biodiversité, c'est la destruction de toute une série de ce que l'on appelle les services de la nature, qui sont rendus aux humains et qui disparaissent. Par exemple, et qu'il va falloir payer autrement. Si par exemple, je vous donne un exemple, tiens. À la fin au début du XXe siècle, les femmes adoraient des chapeaux à plumes avec des grandes plumes roses. C'était des plumes d'ibis. Ces ibis, ils vivaient en Égypte. Les Égyptiens se sont mis à tuer les ibis comme des fous pour vendre les plumes aux marchés européens qui les réclamaient. Les ibis se nourrissaient. Ils se nourrissaient de petits animaux qui eux-mêmes, c'était des serpents, je crois, dont ils se nourrissaient, qui eux-mêmes s'attaquaient à des crapauds, qui donc n'ont plus été attaqués. Et en définitive, il y a eu un pullulement des animaux et ça s'est terminé par une destruction de la totalité des récoltes, c'est-à-dire une disette terrible. Ceci pour expliquer que tout se tient. De même, les zones humides, par exemple, qui sont des zones très riches en termes de biodiversité, sont des zones dans lesquelles se fait toute une espèce de dialyse de la terre. On les détruit. Eh ben, il faut trouver des systèmes d'épuration autres, et donc on construit des stations d'épuration. Ce qui veut dire que détruire la biodiversité, c'est se priver de services qui nous sont rendus gratuitement et que nous allons devoir payer, donc ça coûte extrêmement cher. Frédéric Cazatsu, donne à des réformes. Comment parvenez-vous à concilier ce rapport entre la micro-société telle que vous venez de la décrire et les enjeux mondiaux? On a le sentiment, quand on vous écoute, vous-même et bon nombre de candidats, qu'il y a quelque chose comme une contradiction qu'on n'arrive pas à repérer à chaque fois. Mais au fond, vous cherchez les uns et les autres à nous convaincre du caractère essentiel de votre cause, et comme souvent quand on cherche à convaincre avec énergie, on révèle la difficulté à convaincre, comme si les gens n'étaient pas... Au fond, nous vivons dans des sociétés d'abondance, après avoir qui ont traversé tellement de siècles de pénurie. Comment gérer cette contradiction ? Bah, écoutez, moi je ne vois pas trop de contradiction, excusez-moi. Mais je vous en prie, je suis désolée, je ne vois pas de contradiction. Tout simplement parce que si on ne comprend pas que vivant dans un siècle d'abondance, nous allons vers un siècle de pénurie, on ne peut effectivement pas comprendre le discours que je tiens. Alors je vais vous donner quelques données très simples et très basiques. Si tous les terriens vivaient comme les Américains, Monsieur Cazatsu, c'est 5 planètes qu'il faut. Si tous les terriens vivent comme les Européens, c'est 3 planètes qu'il faut. Et si les Chinois se mettent à vouloir vivre exactement comme les Américains, c'est 2 planètes qu'il faut. Ce qui veut dire que vous vous attaquiez aux matières premières et regardez la montée vertigineuse des cours des matières premières. Je ne parle pas seulement du pétrole, mais de tous les autres, y compris le blé cette année. Nous n'avons plus que des réserves de blé qui sont divisées qui ont été divisées par 2 en termes de durée. Parce que les récoltes de l'année dernière ont été très mauvaises, les cours sont très hauts et il manque considérablement de céréales au niveau mondial. Donc, que ce soit les matières premières, que ce soit l'eau, que ce soit les sols qui ne sont pas indéfiniment extensibles, il est clair que nous allons devoir avoir un développement qui repose sur une économie extrêmement parcimonieuse. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à produire beaucoup la même chose, mais peut-être sous forme de services et plus sous forme de biens, et avec beaucoup moins de matières premières et d'énergie. Et ça, c'est un problème qui est mondial. Lisez Courrier International de cette semaine et vous verrez même la Chine... Même la Chine se trouve dans cette difficulté aujourd'hui. Jean-François Colosimo. Oui, alors excusez-moi madame, mais pourquoi est-ce que, d'abord, pourquoi ces prophéties qui nous sont annoncées sur le ton de la certitude devraient l'emporter finalement sur les calculs rationnels? On n'a aucune certitude là-dessus en fait. Toutes les projections démographiques, toutes les projections, etc., qui ont pu être faites au cours du siècle, se sont toutes largement plantées. On sait que c'est le rôle des experts de se tromper. Donc, je veux dire, toutes ces projections que vous donnez sur un ton catastrophique, on sait très bien qu'il en existe d'autres qui sont sur un ton extrêmement optimiste. Pourquoi nous aurions à choisir entre les unes et les autres? C'est la première question. Réponse de Corinne Lepage. Voilà. Alors, simplement, monsieur, ce n'est pas des projections catastrophiques, c'est des chiffres. Vous prenez ce que consomme un Américain aujourd'hui, vous le multipliez par le nombre de terriens, et vous savez combien de planètes il faut, parce qu'on sait notre planète produit chaque année. Ce n'est pas une prévision, c'est un état de fait. Alors moi, je veux bien, je ne suis pas en train de faire des... Si on parlait des projections du GIEC, ouais, qui regroupe quand même tous les experts de la planète, sauf M. Allègre, c'est vrai, mais en fait, tous les experts de la planète, de tous les pays du monde. Vous me dites, oui, ils prévoient 4,8 degrés, mais après tout, ils peuvent se ficher dedans. Je vous dirais simplement que quand on relit ce qui a été écrit dans les années 80, sur ce que seraient les prémices du changement climatique, personne ne s'est gouré. Et c'est bien ça qui s'est passé. Mais admettons que c'est bien ça qui s'est passé. Quand vous relisez on, les... On discute encore de savoir si on est dans une période de réchauffement ou au contraire de refroidissement. En macro compte, si je puis dire, on serait plutôt dans une période de refroidissement, bah, écoutez, mais s'il y a des pics de réchauffement. Ça se discute en tout cas. Non, je ne crois pas que ça se discute beaucoup, monsieur. Quand vous voyez le rapport du GIEC, très franchement, il n'y a aucune discussion possible. Emmanuel Leroy-Ladurie dit que le réchauffement a commencé à la fin du 19e et que nous y sommes encore. Maintenant... La différence que vous avez avec des temps historiques, voire des temps beaucoup plus longs, des temps planétaires, c'est que ce qui est en train de se passe à une très grande vitesse. Et se passe à une très grande vitesse, c'est-à-dire que oui, bien sûr, vous avez raison, il y a eu des périodes de réchauffement et de refroidissement de l'humanité. Simplement, ça s'est fait sur des milliers d'années, ça s'est pas fait en un siècle. Et la grande difficulté à laquelle aujourd'hui nous sommes confrontés, c'est que nous savons, un, que le réchauffement est d'origine anthropique, et les experts du GIEC l'ont dit de la manière la plus claire, et là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc c'est l'homme, hein, qui est la cause. Anthropique, ça veut dire l'homme. Bon. Et deuxièmement, le fait que tout ceci se passe très vite. Mais... ça, je veux bien qu'on puisse en discuter parce que je ne peux pas vous le prouver. Je peux quand même vous prouver, monsieur, que l'humanité a pris 0,6 ou 7 degrés en l'espace de 50 ans et que la France a pris 1,1 degré. Ça, ce n'est pas de la prévision, c'est de la réalité. Bon. Alors, si vous voulez bien, Corinne Lepage, on va reprendre cette discussion juste après un intermède musical. Radio Notre-Dame. Les Beatles, Here Comes the Sun, et nous parlons toujours de questions environnementales avec Corinne Lepage, candidate à l'élection présidentielle. L'écologie, est-ce un projet de société? Voilà quel sera le thème de notre de cette troisième partie. Et nous sommes toujours en ligne avec Paul Janson, le directeur de l'association chrétienne Arocha, qui s'occupe de protection de l'environnement. Dernière question que vous aviez à poser, monsieur Janson, question sur le rôle de la religion dans ces questions environnementales. Alors, allez-y, on vous écoute. Réflexion, question ou réflexion d'ailleurs? Oui, et merci Corinne Lepage, parce que vous avez en fait amorcé cette question en parlant des biocarburants, en disant mais il faut qu'on change de pratique, de se déplacer, de façon de conduire, de façon, etc. Et par ailleurs, quand on a parlé de biodiversité, vous avez tout de suite parlé de l'éthique en laissant entendre que l'éthique, finalement, c'était bien gentil, mais qu'il fallait, si on n'utilisait pas des arguments économiques pour faire changer les comportements, on n'y arriverait pas. Or, je me rends compte, Arocha est implanté dans une vingtaine de pays dans le monde, et nous sommes de plus en plus sollicités pour essayer d'apporter un plus dans la réflexion comment une démarche de foi, donc la religion en général, qu'elle soit chrétienne, voire autre, comment cette démarche de foi, cette relation personnelle avec un créateur, le fait de reconnaître qu'il y a un Dieu et que derrière cette biodiversité, il y a une communication avec une personne, ne pensez-vous pas que ça puisse être un appui extrêmement important justement pour faire avancer cette prise de conscience au cœur, au plus profond des hommes, pour qu'ils puissent accélérer ces changements de comportement qui deviennent extrêmement urgents aujourd'hui? Et de quelle façon, dans le cadre d'une France laïque et dont la laïcité est infiniment respectable, cet appui sur la foi des 60% des Français qui confessent encore croire en Dieu, peut-être, j'allais dire, utilisé. Corinne Lepage, la religion comme aide à la prise de conscience? Pour moi, l'écologie est un humanisme et se conçoit par rapport à la responsabilité de l'homme. Responsabilité entendue au sens, non pas juridique du terme, bien sûr, mais responsabilité morale de l'homme. Parce que, évidemment, à partir du moment où l'homme s'estime devenir créateur à la place du créateur, tout est possible. Et lorsque l'on voit aujourd'hui un certain nombre de personnes répondre à ce que nous pouvons dire sur les baisses de fécondité humaine, par exemple, de toute façon c'est pas très grave, il y a le clonage qui réparera ça. Lorsque on a des discussions sur les nanosciences, d'entendre un certain nombre de personnes dire « oui, c'est vrai, mais après tout, il y aura une post-humanité, et elle sera mieux que l'humanité », on voit bien effectivement que la question de la transcendance est tout à fait au cœur de ce débat-là. Alors, sur l'homme créateur à la place du créateur, il y a une question, bien sûr, centrale dont je viens de parler, mais il y a aussi la question de ce que l'homme s'autorise à faire à l'homme et à la nature. Tout à l'heure, on a parlé de biodiversité. La question, par exemple, du bien-être animal, une question qui est traitée par le mépris le plus total en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens, quand on en est à limer les dents des poules, à limer. Je me demandais à limer les dents des porcs, à leur couper la queue, pour pas qu'ils se mangent entre eux. Hein. Effectivement, on se demande dans quel monde on vit. Et si on est capable de faire ça, on est capable de faire beaucoup d'autres choses. Et donc, d'arriver finalement à un monde totalement artificialisé, totalement matérialisé, finalement ne rencontre plus aucune limite. Moi, je suis une grande laïque, je le dis à l'antenne de Radio Notre-Dame, ça ne m'empêche pas d'avoir mes croyances, mais elles ne concernent que moi. Mais ceci dit, elles sont extrêmement importantes dans mon comportement. Donc tout ça pour dire que la laïcité et le fait de croire ou la responsabilité que l'on pense avoir, ce sont deux domaines qui, à mes yeux, sont complètement différents. Voilà, donc ça occupe effectivement une place. Question Jean-François Colossi. Oui, ben, je vous remercie d'abord de cette question. Elle nous éloigne un peu des biocarburants, etc. Mais là, on ne doute pas de votre expertise. Et d'ailleurs, on ne doute pas de votre expertise sur la question que je vais vous poser. Mais elle est un peu plus elle touche à des choses plus profondes. Finalement, vous dites humanisme. Mais bon, l'humanisme est bien responsable de la situation d'aujourd'hui. L'homme maître et possesseur de la nature de Descartes, oui. C'est bien l'homme de l'humanisme qui est aujourd'hui au cœur, je dirais, de ce conflit avec la nature, l'environnement. C'est lui qui dépense sans compter, qui se, etc. Hein, maître et possesseur. C'est ça, l'homme de l'humanisme. Il y a une petite dans la Genèse, chapitre 1, verset 26, si ma mémoire est exacte, vous avez la même chose. Absolument. Et on pourrait même dire, allons plus loin, que l'homme du monothéisme, ça, il faut que l'homme soit rendu autonome, qu'il soit à l'image et à la ressemblance de son créateur pour pouvoir peut-être aller aussi loin. Alors, au fond, finalement, je me dis, est-ce que vous n'êtes pas en train de toucher à des fondamentaux extrêmes de la civilisation occidentale, et est-ce que vous n'êtes pas en train en fait de promouvoir une sorte de culpabilité un peu typique d'aujourd'hui qui touche dans votre cas sur l'environnement mais qui pourrait toucher sur d'autres cas ailleurs et qui correspond exactement un peu, non pas à cette post-humanité mais un peu à cette post-histoire, l'homme fatigué en fait d'exister voudrait se réconcilier avec tout et voudrait se réconcilier par exemple avec la nature et les cochons qui se mangent entre eux, comme s'il avait fallu d'ailleurs l'humanisme ou Dieu ou la science pour que les cochons se mangent entre eux, n'est-ce pas, comme s'il avait attendu ce moment-là. Si vous les mettez tous ensemble, effectivement, dans un endroit clos, vous êtes sûr que ça ne va pas très bien se terminer. Les cochons, ils étaient faits pour vivre en liberté, hein, pas pour être enfermés à je ne sais combien de milliers par étable. Bon. Enfin, on ne va pas faire toute cette émission, bien entendu, sur les cochons. Pardonnez-moi, mais là, je ne partage pas tout à fait votre point de vue, dans la mesure où... tout dépend de la définition que l'homme se donne, et quand je faisais allusion à la Genèse, sur ce que c'est qu'être le garant ou être le propriétaire. Moi, je pense que l'homme est le garant, il est l'invité de la terre. Il a donc à cet égard une responsabilité. Et non seulement je ne crois pas que l'homme soit fatigué, ou il l'est peut-être, mais je pense que notre génération a devant elle un enjeu absolument fantastique qu'aucune autre génération n'a jamais eu. Car je ne fais pas partie des défaitistes, ni de ceux qui pensent, ou bien de ceux qui pensent que c'est fichu, ou bien de ceux qui pensent que la nature doit l'emporter sur l'homme. Je pense que nous avons la capacité de gagner le combat auquel nous sommes confrontés. Nous avons la capacité parce que nous avons les solutions. Nous sommes d'abord des sociétés qui avons de l'argent, donc on peut investir. Nous avons des technologies extraordinaires et nous avons aussi des modes de communication qui font que s'ils sont bien utilisés, pas pour bourrer le crâne des gens d'imbécilité, mais pour les faire réfléchir et les faire débattre. C'est ce qu'on essaye de faire. Hein. Voilà. Précisément comprendre les enjeux et de modifier leur comportement. Par voie de conséquence, nous pouvons tout à fait gagner ce combat et le gagner, je dirais, en étant mieux en nous-mêmes. C'est pas en vivre moins bien, c'est vivre mieux. Parce que le but de tout cela, c'est effectivement la vie des hommes et des femmes. C'est pas le fait que la nature soit bien conservée. Ça, c'est peut-être une vision que l'on peut avoir. C'est pas parce mon qu'il y a propos. Eu des dérives quand même dans l'écologie. Bien sûr, considérait qu'il y a ce que l'homme appelle... était un danger pour et qu'il fallait l'éliminer. C'est ce qu'on appelle la deep ecology. C'est affreusement dangereux. C'est fasciste, hein, disons-le oui, enfin, très clairement. L'écologie, c'est dans son origine, était fasciste. Hein. C'est un mouvement qui naît à l'extrême droite, hein, du déchiquet politique, avant oui. de rejoindre la gauche puis l'extrême gauche. Elle a été à l'extrême gauche aussi. Oui. Mais rapidement, encore une question là-dessus, pour aller au fait, vous êtes élu président de la République, il vous faut un jour appuyer sur le bouton nucléaire pour sauver la France, vous le faites ou vous le faites pas? Si c'est pour sauver la France, probablement oui. Donc il faut bien aussi qu'il y ait une armée il faut Mais bien je ne suis pas contre. Voilà, racontez. Très clairement, dans mon programme, je ne propose absolument pas de réduire la défense nationale. Je propose... Ni le nucléaire dans la défense nationale, ni la dissuasion. Ni la dissuasion. Je propose par contre de travailler à une défense européenne, parce que ça me paraît quelque chose de tout à fait fondamental, mais il n'y a absolument rien là-dessus. Bon, ensuite, je peux avoir une position sur le nucléaire civil qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire extrêmement mesurée, mais sur la défense, je pense que dans les sociétés extrêmement dangereuses sur le plan géostratégique dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, devant les menaces terroristes qui existent, devant le fait que finalement nous sommes en face d'une dissémination nucléaire absolument évidente, il est hors de question de se couper les pattes. Est-ce que c'est pas ça qui vous distingue au fond des écologistes de gauche? C'est-à-dire le refus d'utopie? Peut-être ça, peut-être aussi le fait que j'admets l'économie de marché, qu'ils n'admettent pas. Parce que je pense qu'on peut concilier l'économie et l'écologie, et que ça se fait, je dirais, à la situation de ce qu'elle est. On peut rêver d'une société autre. Bien sûr, un autre monde est peut-être possible. Mais enfin, pour le moment, moi, j'ai à travailler dans le monde. Vous ne rêvez pas. Peut-être une toute dernière question, Frédéric Cazatzu. Oui, sur le nucléaire précisément, les écologistes de gauche eux-mêmes reconnaissent, je le disais en préambule, la nécessité de développer l'énergie nucléaire. 30 ans après les manifestations contre la centrale de Creys-Malville, n'est-ce pas une révolution verte d'un autre genre ? Je ne crois pas qu'ils proposent... j'ai pas vu que les écologistes... D'abord, je ne suis pas une écologiste de droite. Je tiens à le préciser, parce que vous dites écologiste de gauche. Je ne me sens pas une écologiste de droite, point. Alors, ceux qui militent pour la victoire de la gauche... Alors, sur le nucléaire, il nous reste moins d'une minute. Alors, sur le nucléaire, on est quand même très nombreux, par exemple, à se retrouver contre le PR. Contre le projet de Flamanville, qui est un projet extrêmement coûteux. 3 milliards d'euros pour 300 emplois. Réacteur de la nouvelle génération. Oui, enfin, il n'est pas très différent de la génération précédente. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, je suis une fanatique des énergies renouvelables. Mais je dirais, et je terminerai là-dessus, peut-être encore davantage pour des raisons économiques que pour des raisons environnementales. Parce que je suis convaincue que c'est là que se trouve la révolution industrielle du XXIe siècle. Et que le retard que nous mettons, nous, en France, et c'est encore le cas dans l'actualité aujourd'hui avec la position que nous avons adoptée à Bruxelles, à nous engager dans cette voie, qui est celle des nouvelles technologies de l'environnement, 170 milliards de dollars à l'échelle de... Non, 570 milliards de dollars à l'échelle de la planète, eh bien c'est des emplois en moins, c'est des entreprises en moins, et c'est de l'activité économique en moins. Merci Corinne Lepage d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer ce thème de l'environnement. Merci à Paul Janson qui est avec nous au téléphone. Merci aussi à Dimitri pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous.